L'ange sur la terre, chapitre 9. Intérieur. Quoique placé dans une bonne position de fortune, l'oncle Lopez, sa femme et ses enfants travaillaient à l'égal de leurs domestiques. Dans une grande cour que recouvrait un berceau de vignes, dont les feuilles commençaient à jaunir, signal de l'approche de l'hiver, plusieurs jeunes filles, assises devant de petites tables basses, que dans le pays on nomme des trieuses, escorridoras, s'occupaient à trier du blé pour l'envoyer au moulin. Kella, la fille de la maison, s'était absentée un moment et la place qu'elle occupait à une table, auprès de son amie Paola, se trouvait vacante. « Écoute, Paola, dit une des jeunes filles, est-il vrai que le médecin soit le novio de Kella ? Comment veux-tu donc qu'elle en ait, puisqu'elle en avait déjà un ? Répondit l'interrogé. « Les novios se prennent-ils à la paire, comme on achète les chaussettes ?»« Eh quoi ? Kella avait déjà un novio ? Qui donc est-il ? Cette grande perche, le fils de l'oncle Urdax. » Le surnom d'Urdax était resté à l'alcalde depuis qu'il avait voulu l'imposer au chemin de la croix et l'on avait donné à son fils celui de grande perche qu'il justifiait parfaitement. Je sais bien qu'il avait été son novio autrefois, mais je croyais tout fini entre eux. Il ne lui parle plus et ne vient jamais sous son balcon. Que veux-tu ? Il paraît qu'à ces gens qui tranchent du don, il ne leur plaît pas de prendre le frais. L'oncle Lopez, le père de Kella, et la tante Urdaxa, la mère de Tiburcio, voudraient bien les marier ensemble, quand il n'y aurait que cette raison que les écus appellent toujours les écus et que l'eau va toujours à la rivière. Et Kella, dit une autre, que pense-t-elle de ce mariage ? Est-elle d'avis d'épouser cette grande perche, ce singe habillé, plus laid que le diable et plus insolent que le valet du bourreau ? Fi donc, ma grand-mère n'en voudrait pas. On dit qu'il va être député. Député ? Qu'est-ce là, député ? Dame, c'est quelque chose comme un homme du gouvernement. Et cela le rendra-t-il plus beau ? Je ne pense pas, mais enfin, sa femme sera la femme d'un député. Qu'est-ce que cela peut faire à Kella d'être la femme d'un député ? Je parierai bien mes oreilles qu'elle ne l'épousera pas plus que je n'épouserai, moi, le commandant Modesto, qui est aussi un homme du gouvernement, qui est un militaire et qui a le droit de porter l'uniforme. Quelle bêtise ! Kella, plus belle que le soleil, épouser ce chafouin éthique qui ne vaut pas la corde pour le pendre, ce mal appris qui ne salue pas même les filles de son village, sans doute parce qu'elles ne sont pas assez princesses pour lui. Voyez donc la belle noblesse, forgée à l'établi de son père le maréchal, dit une autre. Je serais curieuse de voir ses parchemins. Ramon Pérez prétend qu'ils sont sous la peau de son ânesse. Et ses armes, dans ses griffes, comme les chats. Moquez-vous de lui tant que vous voudrez, dit Paola. Mais moi, je sais de science certaine, et je vous fais savoir que, quelque laid qu'il soit, Kella aime ce vilain magot. Tous les goûts sont dans la nature, dit philosophiquement une des assistantes. Caramba ! Exclama une joyeuse brunette. Si ce mauvais goût avait un coup, je le lui tordrais volontiers. Marier Kella à ce monstre, moitié plumes et moitié papier. C'est comme si l'on voulait me marier, moi, au maître d'école, ce tortillard qui n'a plus que le souffle. Taisez-vous, dit Paola. Voici venir Kella, qu'elle ne se doute de rien, car si sa mère, la tante Bélène, qui est entichée de ce mariage et croit avoir trouvé la pionie, nous entendait parler de la sorte, elle nous renverrait tambour battant de sa maison. Quand les autres jeunes filles furent parties et que les amis se trouvèrent seuls, « Comment as-tu bien pu, dit Paola à Kella, t'engouer de cette vilaine face de Tiburcio, qui ressemble à une âme en peine ?»« Je ne m'en suis pas engouée, répondit Kella, Je l'aime depuis mon enfance. Grand bien te fasse. Tu l'aimes, et pourquoi l'aimes-tu, cet être déplaisant qui n'a rien d'aimable? Saurais-tu par hasard, toi, Paula, le pourquoi de l'amour? Nos parents nous ont, dès notre enfance, destinés l'un à l'autre, et je me suis attachée à lui. Eh bien, si tu y es attachée, détache-toi. Je ne ferai pas cela, et d'ailleurs, pourquoi le ferais-je? Ne t'es-tu donc pas encore aperçue, cher enfant, que cet homme ne t'aime pas, et que tu sèmes des perles devant des pourceaux? Il ne m'aime pas, répliqua la douce enfant, les yeux baignés de larmes. Et pourquoi ne m'aimerait-il pas? Je te répondrai ce que tu viens de me dire toi-même. Sait-on le pourquoi de l'indifférence? S'il en était ainsi, je mourrais de chagrin et de honte. Et tu serais bien sotte par ma foi. Tu lui ferais bien trop d'honneur. Je te dis, moi, que depuis que ce vaniteux personnage a été étudier à Séville, d'où il est revenu plus gonflé qu'un ballon, il nous regarde toutes par-dessus l'épaule. Il aura laissé par là-bas quelques passions parmi les belles dames de Séville. Il aurait bien mieux fait, ce bon à rien, de rester ici et d'apprendre à ferrer les bêtes comme son père, que de s'en aller étudier à Séville pour revenir comme la chauve-souris qui n'est ni souris ni oiseau. À ce moment survint la mère de Kella et, mettant la main sur l'épaule de sa fille, « Qui sait, dit-elle, si ce blé que tu es là à trier ne servira pas à faire le pain de ta noce ?» Le visage de la jeune fille se couvrit instantanément d'une vive rougeur, et elle jeta sur son amie le doux et radieux regard d'une espérance réalisée. « La noce, aussi vite ?» demanda Paula. « Peut-être bien, » répondit la tante Bélène d'un air satisfait en lissant les cheveux de sa fille qui tournait vers elle sa figure rosée. « La commère Tiburcia vient de venir pour me parler de la chose. Paula me disait tout à l'heure qu'à ma place, elle ne s'en soucierait pas, » dit Kella toute joyeuse. « Je voudrais bien voir cela, » dit la mère. « Rompre un mariage, arrêté depuis si longtemps ? Parole donnée, est-elle donc une plaisanterie ? Et crois-tu que nous serions bien aises de passer pour des gens de mauvaise foi, Paula ? Si ce sont là les conseils que tu donnes à ma fille, tu peux retourner chez tes parents, et j'aurai soin de leur conseiller de te renvoyer à l'école afin que Rosita t'y inculque ses principes. Qu'une jeune fille honnête, sensée, modeste et obéissante ne doit jamais revenir sur une parole donnée, et qu'on n'essaye pas d'un novio comme on essaye d'une sauce nouvelle. » Paula se tut, mais, jetant un regard d'intelligence à Kella, elle s'en fut en baissant la tête. La tante Bélène sortit aussi, et Kella s'en fut à la basse cour donner à manger à ses poules. Les fleurs et la bonté de Dieu croissent pour tout le monde, pour le pauvre aussi bien que pour le riche. Dans sa belle chevelure noire, Kella avait placé une rose et une branche de nard. Son visage, animé de l'innocente joie qui débordait de son cœur, rayonnait de bonheur. En un mot, elle était charmante. Tout à coup, la porte s'ouvrit, et Tiburcio entra dans la basse cour. En songeant à ce que sa mère venait de lui dire, Kella éprouva d'abord une vive émotion. Mais bientôt, son regard brilla d'une expressive flamme de joie et de pudeur, et elle s'avança vers le jeune homme. « Kella, » dit brusquement Tiburcio, sans même la regarder. « Il paraît que nos parents veulent tout disposer pour notre prochain mariage. » La jeune fille ne répondit pas, mais elle détourna son doux regard de bienvenue du regard froid et répulsif du jeune homme et le reporta vers la terre, tandis qu'une vive rougeur, causée par le ton des paroles de son novio, s'étendait sur son visage comme un brillant vernis. « Cela vous plaît-il ? » poursuivit sèchement le nouvel arrivé. « Tu ne me tutoies plus ?» demanda Kella d'un ton de doux reproche. « N'avons-nous pas été élevés ensemble ?»« J'ai le tutoiement en horreur, » répondit Tiburcio. « Le toi est grossier, de mauvais ton. C'est une habitude campagnarde. D'ailleurs, nous ne sommes pas parents pour user d'une familiarité beaucoup trop usitée. Répondez-moi donc franchement. Le « vous » ne diminue ni ma franchise, ni mon estime. « L'estime ?» murmura Kella entre ses dents. « L'affection, la tendresse, si vous aimez mieux !» répondit Tiburcio avec impatience. « Mais répondez, la chose vous plaît-elle » La jeune fille leva lentement ses grands yeux, comme le soleil se lève à l'horizon. Et, par un regard aussi doux que modeste, elle fit une éloquente réponse. « Vous ne répondez pas ?» reprit le coq de village en repoussant brutalement l'affectueuse réponse contenue dans ce regard. « Si cette chose me plaît ?» dit alors Kella en baissant les yeux. « Pourquoi ne me plairait-elle pas comme autrefois ?»« Parce que, » répondit brutalement Tiburcio, « vous auriez pu faire comme moi, changer d'avis. » À ces dures paroles, Kella pâlit, mais ne répondit rien. « Ainsi donc, » poursuivit Tiburcio, « comme il n'existe entre nous ni sympathie, ni affinité, enfin aucun point de contact, que nos natures sont incompatibles et que, conséquemment, vous ne pouvez m'aimer, j'estime qu'il vaut mieux franchement me le dire et renoncer à cette union pendant qu'il en est encore temps. « Moi ?» s'écria stupéfaite la pauvre Kella, qui avait fini par comprendre où voulait en venir ce grossier personnage. « Moi, revenir sur une parole donnée ? Jamais, Tiburcio, ce serait perdre ma propre estime, et mon père me tuerait. « Eh bien donc, dit celui-ci, ce sera moi qui me prononcerai. « Toi ? Exclama Kella, les yeux gros de larmes. « Sainte Vierge, et pourquoi ? Parce que, ainsi que je viens de vous le dire, nos natures sont incompatibles et que nous ne pourrions être heureux ensemble. Mais que te faut-il donc pour être heureux ? Demanda Kella d'une voix étouffée. Aimer celle qui doit être ma compagne. Tu me rendras ton amour, Tiburcio, dit Kella en souriant au travers de ses larmes. Tu m'aimeras quand je serai ta femme, quand le prêtre aura répandu sur nous les bénédictions de l'Église. Sous cette sainte influence, nous serons heureux. « Non, » répondit Tiburcio, dans le cœur sec et vaniteux duquel ne pouvait faire brèche ni tant d'amour ni tant de candeur. « Non, jamais je ne serai heureux avec une femme qui ne serait pas à ma hauteur. » Les larmes séchèrent dans les yeux de Kella. Telle qu'une reine qui ressaisit son diadème qu'elle avait un moment déposé, Kella releva fièrement son front, empreint de cette dignité instinctive chez la femme espagnole. « C'est bon, » dit-elle, « ne dis rien, ne fais rien, je me charge de tout. Non pas que je redoute qu'on aille dire que tu m'as planté là. La honte est pour celui qui commet la faute, et non pour celle qui en est la victime. Mais mon père, mon frère, ne prendrait peut-être aussi bien la chose, et je veux éviter un conflit. « Je ne crains rien, » répliqua fièrement Tiburcio. « Et moi je crains, » répondit Kella, dont les lèvres pâles tremblaient de colère. « Adieu, et puisses-tu ne pas te repentir un jour d'avoir commis une action dont ne serait pas capable le dernier de ces paysans que tu as l'air de mépriser. » Tiburcio, loin de paraître repentant de sa conduite, s'éloigna en lui disant ironiquement « Puisque tu crois que la bénédiction de l'Église est un filtre d'amour, essaye-en avec un autre, tu l'aimeras peut-être après. Quant à moi, je me ris de tout ce fanatisme. Non, non, je ne suis pas arbre à laisser pousser mes racines dans cette terre. Ma résolution est prise, n'en parlons plus. » dit Kella en lui montrant la porte d'un geste plein de dignité. À peine Tiburcio était-il parti que Kella courut se renfermer dans sa chambre. Là, elle se livra à un désespoir qui, pour être muet et calme, n'en était que plus violent. Elle voyait s'évanouir, payer de la plus noire ingratitude, cet amour que, depuis l'enfance, elle portait dans son cœur, dans ce cœur qu'elle avait conservé pur pour l'homme aimé, comme une rose parfumée, imbue d'amour et d'innocence. Elle se voyait en butte au brocard et à la censure de tout le village. Mais ce qui l'affligeait le plus, c'était l'indignation de son père et de son frère, si rigide sur le point d'honneur, si sévère pour l'accomplissement d'une parole donnée. La pauvre abandonnée s'agenouilla et, dans une ardente prière, elle supplia Dieu de lui indiquer le moyen de sortir de cette funeste impasse où il était aussi dangereux de parler que de se taire. Au bout d'une heure de larmes et de prières, Kella se releva, fixée sur le parti qu'elle devait prendre, et, quand sa mère vint frapper à sa porte, elle avait essuyé ses larmes et rasséréné son visage. La tante Bélène entra, chargée de pièces de toile qu'elle venait d'acheter, tant était grand l'empressement des deux mères pour hâter les préparatifs de la noce. Elle était si occupée de son affaire qu'elle ne remarqua pas le visage abattu de sa fille. « Pourquoi mettre le verrou à cette porte ? As-tu peur des voleurs ou du cancan ? Voici, ajouta-t-elle, en déposant sur une table un paquet qu'elle apportait. Voici deux pièces de cretonne pour drap de lit et une de toile de Bretagne pour les oreillers. Tu ne risques rien de les tailler. J'ai déjà parlé à Rosita pour les garnitures. Pourquoi tant se presser, mère ? Dit Kella. La mère laissa tomber la pièce qu'elle tenait à la main et regardant sa fille d'un air surpris. Comment ? Exclama-t-elle. Comment ? Depuis tant d'années que tu attends ce Tiburcio qui n'en finissait pas avec ses études à Séville, d'où il a fallu Dieu et les saints pour le retirer ? Comment, quand il a 24 ans, et toi 20 ans accomplis, tu viens me demander ce qu'il y a de si pressé à vous marier ? Vraiment, de toutes les novias que j'ai connues, tu es bien la première, pour ne pas dire la seule, qui ait pu adresser une semblable question. « Mère, dit Kella, en s'appuyant sur l'épaule de la tante Bélène et en baissant la tête. « Mère, c'est que je ne voudrais pas me marier. « Jésus ! Exclama tante Bélène. « En voilà bien une autre à présent. « Quelle mouche te pique ? D'où vient cette lubie, enfant ? Et depuis quand as-tu changé d'avis ? « Je ne l'avais pas encore dit, mère, parce que je ne t'ai pas pressée de le dire. » Mais ma petite, répliqua la mère, songe donc qu'il n'y a rien de si honteux au monde que de ne pas tenir une parole donnée. Il n'y a ni rime ni raison. Comment, parce que tu te seras peut-être un peu chamaillée avec Tiburcio, voudrais-tu faire rougir ta famille, la faire repasser dans la langue du monde? Non, non, ce n'est pas possible. Pourquoi ne plus vouloir te marier, tête de linotte, girouette, qui change plus souvent d'avis qu'un avocat? Pourquoi ne veux-tu plus te marier? Parle, me le diras-tu bien? Kella leva son front pur et innocent, que couronnait l'abnégation, comme une couronne d'épines, et répondit d'une voix douce mais assurée. « Je veux entrer en religion. » La mère demeura stupéfaite. « Enfant, exclama-t-elle enfin, y penses-tu bien ? C'est, au moment d'entrer en ménage, qu'il te prend tout à coup l'idée d'entrer en religion ? Cela n'a pas de sens commun, et tu sais bien que ton père n'y consentira jamais. »« Mon père ne peut s'y opposer, » dit Kella. « Jésus, Jésus, quel malheur ! Quel coup de foudre ! Que va dire ton père ? Que dira ma commère ? Que pensera le monde ? » répétait la tante Bélène en se prenant la tête entre les mains. Se vouer volontairement à la reclusion, à l'obscurité, à la pauvreté, c'est une résolution qui, dans un village catholique et fervent, comme l'était, grâce à Dieu, celui de Villamar, ne pouvait rencontrer une bien vive opposition. Aussi les parents de Kella ne cherchèrent-ils à la combattre que par des prières. Mais tout fut inutile, et la jeune fille persista dans son projet avec autant de fermeté que de douceur. Elle le fit plus encore. Elle cacha ses pleurs pendant le jour, et comme le ciel qui ne se couvre d'étoiles que pendant la nuit, elle ne pleura que dans l'ombre et le silence. Le jour, elle était tranquille et sérieuse. Personne ne se douta de ce qui s'était passé. Il se passa quelques jours, et l'oncle Lopez, voyant sa fille bien affermie dans sa résolution, s'en fut un beau matin, moitié confus, moitié chagrin, rendre visite à l'alcalde. « Qu'avez-vous donc, compère ? » s'écria Don Perfecto en le voyant entrer. « Vous avez l'air de bien mauvaise humeur. Auriez-vous par hasard perdu votre baudet ? Contez-nous vos chagrins, » ajouta Tiburcia. Mais à peine l'oncle Lopez, au milieu de soupirs et de récriminations contre les gens qui changent d'avis comme de chemise, eut-il fait connaître l'objet de sa visite que la Tiburcia, élevant jusqu'aux cieux et ses bras et ses cris, éclata en reproches. Avec son bonnet et ses gants, Tiburcio avait fait une assez large brèche à la modeste fortune de sa mère, pour que celle-ci ne vît pas sans chagrin s'évanouir l'espoir d'un riche mariage qui l'aurait mise pour l'avenir à l'abri du besoin. « Y pensez-vous, compère ? » s'écriait la bonne femme désolée. « Mais votre fille ne peut entrer en religion, elle ne peut faire de vœux, le progrès s'y oppose, c'est vrai !»« Certainement, commère, » répondit l'oncle Lopez, « mais elle veut entrer au couvent sans faire profession. Il faudra bien pour cela que je paye une pension. » « J'en ai, Dieu merci, les moyens. D'ailleurs, je ne puis m'y opposer. Ma fille a 21 ans, elle sait ce qu'elle fait. » « Je parierai, se dit la Tiburcia, quand l'oncle Lopez fut parti, qu'il y a ici quelque anguille sous roche. Ou je me trompe fort, ou cette sardine sans sel, qu'on appelle mon fils, a joué à Kella quelque tour de son métier. C'est vrai. » La bonne femme voulut en avoir le cœur net et mit tout en œuvre auprès de son fils pour vérifier ses soupçons. Mais elle eut beau faire, celui-ci resta muet et, comme elle voulait lui persuader qu'il y allait de son honneur de dissuader Kella d'entrer au couvent, il y eut, entre la mère et le fils, de si vives altercations que ce dernier, poussé à bout, déclara à son père qu'il voulait à toute force quitter Villamar et aller chercher fortune à Madrid, cet Eldorado où les gens de province se persuadent que les alouettes vont leur tomber toutes rôties dans le bec. L'alcalde n'était que trop porté à partager les illusions de son noble rejeton. Aussi, en partie aveuglé par son orgueil paternel, en partie poussé par le désir de rétablir la paix dans sa maison, il vendit, à l'insu de sa moitié, pour subvenir aux frais du voyage, un petit bois d'olivier, et un beau matin, à son lever, la Tiburcia trouva son oiseau envolé. Ainsi que l'aigle, Tiburcio avait pris son vol vers les hautes régions, sans laisser même tomber un regard de pitié sur les humbles habitants de Villamar.